Dixièmement, la propriété. L'idée de propriété est encore une de ces manifestations dangereuses de l'individualisme ou de la liberté qu'il faut détruire à tout prix. D'après l'étymologie propius, ce mot semblerait indiquer quelque chose qui nous est propre, que nous avons créé, qui nous appartient. Or, pouvons-nous créer une chose qui n'existe pas ? Nous ne pouvons que transformer des matériaux qui sont dans la nature et qui, par conséquent, n'appartiennent à personne. L'appropriation par le travail est-elle plus légitime ? Un homme seul peut-il construire une maison, une usine, etc. ? Et quand il le pourrait ? Est-ce lui qui a créé les pierres dont elle est faite, les chemins par où il les a passées, les outils dont il s'est servi ? Évidemment non. Toute œuvre, toute construction appartient à la société, parce qu'elle suppose la collaboration présente et antérieure de la collectivité. Même la science que possède un individu ne saurait être sa propriété. C'est le résultat des efforts collectifs de 50 générations. C'est le patrimoine de l'humanité. Ai-je créé de toutes pièces le livre que j'écris ? L'idée que j'exprime est-elle exclusivement mienne ? Je ne suis moi-même qu'un reflet de la pensée des savants que j'ai lus, une émanation du milieu social dans lequel j'ai vécu. Ce que je dis, on me l'a suggéré. Mon idée, quelque personnelle qu'elle apparaisse à quelques-uns, n'est qu'une conséquence, une somme d'unités idéiques, une synthèse d'idées communes à tout le monde. Il n'y a pas de propriété rigoureusement individuelle, pas même une épingle. Tout est l'œuvre commune et appartient à tous. C'est la théorie de l'unité du moi qui rend le droit de propriété en apparence légitime. En effet, si nous supposons notre moi distinct, indépendant de tous les autres, et toujours identique à lui-même, nous concluons à son autonomie et lui reconnaissons des facultés créatrices. Par suite, nous nous assimilons les objets qui ont subi une modification sous l'influence de notre volonté. Nous les considérons comme des attributions, des extensions ou des manières d'être de notre individu. Or, notre moi n'est pas un, il est complexe, c'est-à-dire formé par une multitude de moi antérieurs et contemporains. Pour détruire l'idée de propriété, c'est toute une philosophie qu'il faut saper par la base. Il n'y a pas de moi au sens que l'on donne à ce mot. Tous les êtres se mêlent, se confondent, se transforment éternellement sous l'action ininterrompue de la vie. Il ne peut y avoir entre eux de limite ou de solution de continuité. À quelque degré de désagrégation qu'ils puissent arriver, et sous quelque forme qu'ils se reconstituent, animal, plante, minéral, ils ne cessent point de vivre. C'est toujours le même souffle vital qui circule dans la nature, et tout ce qui existe fait partie intégrante de l'âme universelle. Dans ces conditions, ce n'est pas moi, c'est nous qu'il faut dire. Si nous l'avons clairement démontré, nous avons fait justice du préjugé, de la propriété individuelle.